les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Hi, Sheriff. Miss Packard. Dale Cooper, FBI. You remember him from the town meeting last night, I'm sure. Nice to meet you, man. Agent Cooper, you remember Pete Martell? Sure, Pete. You bet. Can we offer you gentlemen a cup of joe? Mrs. Packard, you said the magic word. I'd love a cup, thanks. Sure, I'll pour that for you. Mr. Cooper, how do you take it? Black as midnight on a moonless night. On ouvre grand les portes de notre bon vieux club avec Capec, un café noir et servi au bar s'il vous plaît. C'est une production quasi manouche, assez bricolo, presque house. Bienvenue dans la nuit des temps, vous êtes sur Radio Dio. Des années 60 plonge dans le cha-cha-cha mixé au rythme afro-cubain. On nage en plein cliché exotique. Et à l'origine de ce genre si particulier, c'est le chanteur égyptien d'origine libanaise, Bob Assam, qui lance la mode en 1960 avec Mustapha et Fais-moi du couscous, chéri. Alors oui, on range les baguettes et les bérets au vestiaire. On ressort les clichés de Los Cangaceros. C'est l'heure du méchoui en plein Paris. La nuit des temps, Radio Dio. C'est dans ça le monde d'après. C'est dans ça le monde d'après. La nuit des temps, l'international de la danse. Mary Wilson a un unique hit à son compteur, c'est ce génial Just What In Always Wanted, on dirait la Motown, et pourtant nous sommes bien en 1983. You elle est née en 1910 à Atlanta. Sa mère était une musicienne qui, pour gagner sa vie, faisait la domestique. Mary Lou Williams est devenue pianiste pro à l'âge de 10 ans. Elle avait l'oreille absolue et elle a travaillé pour les plus grands. Duke Ellington, Fats Waller, Count Basie et Louis Armstrong. Elle est même devenue un modèle absolu pour Thelonious Monk. La nuit des temps, Radio Duo. c'est le producteur new-yorkais Sean Kane qui produit Annie and the Caldwells. Une histoire de gospel, de famille et de plongée dans la musique profane qu'est le blues. On retrouve l'énergie de Chaka Khan ou la conviction d'un Bootsy Collins. Deborah Caldwells hurle à quel point son ex était une erreur. Et nous, nous sommes dans le groove du diable. Le piano du diable. Pour un diable de Marie. Mayday, Mayday. Annie and the Caldwells lancent leur Mayday. Nous sommes en 2025. Say we start in the stars, descend to the mountain, walk down and through the hillside towns, settle our love and hate affairs, walk down through the wood to the edge of the brook, sit and lament some happy sad run, that the base of the mountain turn, the black bolts learned, that changes all, looking at the stars, the black bolts, I did hear all, I heard that's such a bad idea. Thank you. la maman de Emerson, écoutait beaucoup les Cocteau Twins ou encore Nine Inch Nails. En 19 ans, Emerson déménage à San Francisco et commence à mixer dans les clubs. En 2016, elle bosse au Panorama, c'est pile le bar du Berghain, à Berlin. Elle a depuis remixé Christine and the Queen, Slow Dive ou Fortet. Voici le shampoing pour princesse rêvée et venue des contrées lointaines. Yeah. les accords fabriqués pour la house de Chicago. Et pourtant, c'est un son de vieux briscard du jazz. Duke Ellington est au piano, Ray Brown à la basse. Il rend hommage au bassiste Jimmy Blanton. C'est prodigieux de groove, de jeu, de vie. Nous sommes en 1975 et le septième ciel n'est plus très loin. La nuit des temps, l'international de la danse. On continue avec le même piano que Duke Ellington, mais cette fois, c'est 7 ans plus tard, avec Jocelyn Brown. C'est la choriste de Ceron ou encore de Change dans les années 70. I like it like that, babe. La nuit des temps, Radio Duo. par un autre vieux briscard, Michael Gray. On est dans le pur clubbing, genre Macumba International. Vous voyez, I like it like that. Et nous aussi, on aime ça. Il est presque 22h sur Radio Duo. Et c'est déjà l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club. Très clubbing sur la fin ce soir. Jazz et clubbing. Et pour mettre des bûches sur le dance floor, nous avons eu le bonheur de recevoir ce soir Capek et son café noir, tout juste sorti en EP. Los Cangaceros et son méchoui orientalo-exotique, tout droit sorti des années 60. Il y avait également la danse inquiète de Manuel Laine, en power play cette semaine, et dont on va écouter un second titre dans les bonus dans quelques secondes. Et quel bonheur de retrouver Mary Wilson avec sa choucroute des années 60, tout droit ressortie des années 80. Mary Lou Williams, qui a tant donné pour faire groover les clubs de jazz. L'ivoire de Kyo Amakré, Annie and the Caldwells, dont Deborah avait tout faux dans la vie, mais tellement tout bon pour le son. La Proto House de Duke Ellington et Ray Brown. Et la Dance de Jocelyn Brown. Et ce couple looking pour fermer le bal tout de suite. Dans quelques instants, c'est le moment de retrouver qui ou quoi qui va causer non seulement bouquins, mais jeux vidéo. C'est en direct, c'est sur Duo. Et c'est le moment de lever le nez vers le ciel et les étoiles de Saint-Étienne, avec enfin un petit goût d'été ce soir. Elles brillent, ces étoiles stéphanoises, et on attendait ça depuis longtemps. C'était la nuit des temps. Buona notte. Salut. La nuit des temps. L'international de la danse.